الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence le 45e cours aujourd'hui, inshallah ta'ala, de ce livre مِئَةَ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ فِي الْعَقِيدَةِ 200 questions et réponses dans la croyance. La semaine dernière, on a parlé de ce qu'on appelle At-Tanjim en arabe, qui est l'astrologie en français. Et on a aussi parlé de l'istisqa ou bil-anwa, le fait de demander la pluie aux étoiles. Ou plus précisément, demander la pluie à l'endroit d'où les étoiles tombent. On a expliqué que At-Tanjim, kufrun billah, azza wa jal. L'astrologie, c'est de la mécréance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué aussi que l'istisqa ou bil-anwa, talab nuzul al-matar, min al-nujum, ou min manazil al-nujum, kufrun billahi asghar. Donc, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa al-nujum li thalathati ashiya. Il a créé les étoiles pour trois choses. Et ça, on le retrouve dans le Coran. Quand on lit les versets dans le Coran où Allah tabaraka wa ta'ala il parle de Nujum, il parle des étoiles, on voit que quand on rassemble tous les versets qui parlent des étoiles, qu'Allah les a créés pour trois choses. Qu'est-ce qui s'en rappelle la semaine dernière, Ami Karim? Premièrement, c'est pour embellir le ciel. C'est la première chose. Khalaqa al-Nujum zinatan lis-sama, pour décorer le ciel. Deuxièmement, pour pouvoir s'orienter, c'est-à-dire les gens qui voyagent, ils peuvent savoir où est-ce qu'ils vont aller en regardant le Nujum, les étoiles. Jusqu'aujourd'hui, ils le font encore avec les bateaux, etc. Et Mohamed, la troisième, pour lapider les diables, les shayatins. Et dans le Allah Azza wa Jalla a dit pour décorer le ciel et que c'est pour lapider les shayatins, surat al-Mulk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ هِيَ النُّجُومُ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et on a embelli le ciel de ce bas monde par des lampes, et les lampes dont Allah parle ici sont les étoiles, et on en a fait des lapidations pour les démons. Donc premièrement, les étoiles, elles décorent le ciel. Deuxièmement, elles servent à lapider les démons. Quels démons? Rujum les shayatin. Ayu shayatin. Les shayatin qui viennent écouter ce que les anges ils disent. On a dit plusieurs fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle aux anges et il dit aux malaïka ce qu'il va avoir demain. Les malaïka ils écoutent et ils parlent entre eux. Radan fulan yakun lahu kada wa kada. Radan fulan yulad wa akhar yamut. Il parle entre les anges de ce qui va se passer demain. Al kahin, le voyant qui fait le kufr billah azza wa jal, il travaille avec les shayatin et il demande aux shayatin d'aller écouter ce que les anges ils disent. Et quand les anges les shayatin ils montent les uns sur les autres jusqu'à écouter ce que les anges y disent de ce qui va se passer demain. C'est Allah qui a informé les anges. Parce que personne ne sait ce qui va se passer demain sauf Allah, Azza wa Jal. Wa la ya'lamu al-ghayba illa Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il y a deux choses. Ces diables, ces shayatins qui écoutent les anges parler, ils vont redescendre pour donner l'information à al-kahin, le voyant. Si pendant qu'ils descendent, ils se font rattraper par le Nujum, ils se font rattraper par les étoiles, ils se font éliminer. Ils ne peuvent pas, alaykoum salam, ils ne pourront pas descendre et dire au voyant, il va se passer telle et telle chose. Donc le voyant ne pourra rien savoir. Et s'il arrive avant que l'étoile ne le touche, alors il va dire au voyant ce qui se passe, et le voyant, il va le dire à la personne et il va rajouter mi'atu kadba. Comme a dit le Nabi alayhi salatu wa salam, il va rajouter 1000 mensonges pour embellir sa parole et pour que la personne elle l'accepte. Et ces anges, ces shayatines qui montent pour écouter, on les appelle mustariqus sam', c'est-à-dire les voleurs, ceux qui volent ce que les anges ils disent. Ils montent, ils écoutent et ils volent les informations. Les étoiles, elles ont été créées pour décorer le ciel et elles ont été créées pour abattre mustariqus sam', pour éliminer ces démons qui cherchent à écouter ce qui va se passer demain chez les anges. La troisième chose pour laquelle Allah il a créé les étoiles, c'est pour se diriger. Allah a dit wa bin najmihum yahtadun, et par les étoiles ils se guident. Donc voici les trois raisons pour lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala a créé les étoiles, rien de plus que ça. Ici, la semaine dernière, on a vu que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, quand il a parlé de ceux qui utilisent les étoiles pour savoir ce qui va se passer demain, il a dit ma ara man fa'ala dhalika lahu 'inda Allah min khalaq, ay man fa'ala dhalika ma lahu hasanatun 'inda Allah li'annahu kafirun billah tabaraka wa ta'ala. Il a dit ceux qui font ça pour moi n'auront aucune récompense, n'auront aucune part le jour du jugement dernier. Et celui qui n'a aucune part, il n'a aucune récompense, rien du tout, ne peut être que le kafir billah tabaraka wa ta'ala. Et aussi le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit man iqtabasa shu'batan ay 'ilman min an-nujum, celui qui recherche une connaissance des étoiles, c'est-à-dire autre que ces trois choses-là, il utilise les étoiles pour autre que ça, comme celui qui cherche la voyance avec les étoiles, et c'est ça l'astrologie. Eh ben, il dit faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr, celui qui a fait ça, il a fait du sihr, et le sihr c'est du kufr billah tabaraka wa ta'ala. طيب. Ensuite on a parlé de al-istisqa bil anwa, le fait de demander la pluie à ce qu'on appelle en arabe al-anwa. Al-anwa jam'u naw, والنو هو المكان الذي يسقط منه النجوم أو تسقط منه النجمة. L'endroit où les étoiles elles tombent, les étoiles elles bougent et elles tombent. Quand elles tombent dans un endroit, l'endroit duquel l'étoile va tomber, en arabe on appelle ça النو, et le pluriel النوى. Et les Arabes d'avant l'islam, ils demandaient la pluie à النوى. Et quand la pluie elle tombait, alaykoum salam, quand la pluie elle tombait, il disait que c'était grâce à Nau qu'on a reçu la pluie. Wa hadha shirkum billah tabaraka wa ta'ala. Et c'est de ça qu'Allah il parle dans le Coran quand il dit wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Ar-rizq al-maqsud huna huwa al-matar. Idha anzala Allah 'alayhim subhanahu wa ta'ala bi fadlihi wa rahmatihi al-matar, yukadhibuna bi ni'mati Allah, yaqulun mutirna bi naw'i kadha wa kadha. Dans ce verset, Allah dit « Et vous utilisez votre subsistance, c'est-à-dire la pluie qu'Allah vous donne, vous l'utilisez pour démentir, pour mécroire en Allah. Comment ?» Il parle de ceux qui, lorsque la pluie tombe, disent « On a reçu la pluie grâce aux étoiles. » Ceux-là, ils ont fait de la mécréance en Allah, Azza wa Jal. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. » Allah Azza wa Jal dit dans un hadith Qudsi que il y a parmi ses serviteurs qui arrivent le matin croyants et d'autres qui arrivent le matin mécréants. À cause de quoi? Il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ. Celui qui dit on a reçu la pluie par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, celui-là, c'est celui qui croit en moi et qui mécroit aux astres. Ensuite, il dit wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha, quant à celui qui dit on a reçu la pluie grâce aux étoiles, à telle et telle étoile, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, celui-là, il est mécréant en moi et il croit aux astres. Et on a expliqué que le kufr al-maqsoud huna, c'est le kufr al-asghar alladhi la yukhriju min al-islam bi khilaf kufr at-tanjim fa huwa yukhriju min al-islam. Cette mécréance ici, c'est la mécréance mineure, celle qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est-à-dire que celui qui dit ça, il tombe dans un acte de mécréance, mais qui ne va pas faire de lui un mécréant directement. Il va rester croyant, mais il aura commis un énorme péché, un péché grave, de croire qu'il a reçu la pluie grâce aux étoiles. Et celui qui dit que les étoiles lui ont donné la pluie, ala kufrun akbar. Celui-là, c'est de la mécréance majeure, parce que là, yunzilu al-matar ila Allah, seul Allah fait descendre la pluie, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, ou de plusieurs choses. Et la première chose dont on va parler, ce qu'on appelle en arabe, at-tiyara. Et on va d'abord lire la question et ensuite on va expliquer qu'est-ce que c'est. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في كتابه 200 سؤال وجواب في العقيدة في السؤال الخامس والثمانين بعد المئة ما حكم الطيارة وما يذهبها. Donc la question 185, quel est le jugement religieux, qu'est-ce que l'islam dit sur ce qu'on appelle الطيارة, et quelle est la chose qui fait disparaître ce mal, parce que c'est un mal. الطيارة, est-ce que quelqu'un il sait ce que c'est ou pas? À peu près. Il y a le moteur, les oiseaux. Non, mais ça a à voir avec ça. Mais vous savez c'est quoi ou pas? Taïeb. Mais quand je vous expliquais, vous savez tous c'est quoi en fait. C'est juste ce mot-là que peut-être vous ne savez pas que ça s'appelle comme ça. At-tiyara, c'est le mauvais augure. Le mauvais augure, c'est quoi? C'est, vous entendez les paroles des gens qui disent quand on passe en dessous d'une échelle, on va avoir un malheur. Quand on voit un chat noir, on va avoir la poisse. Voilà, c'est ça. Hein, quand on casse un carreau, on va avoir ça. Quand on va glisser sur ça, on va avoir ça. Et quand on aura ça, on aura ci, et ça, etc. Surtout si on prend ça. Voilà. Yani, sahih. C'est vrai qu'en Europe. Naam. Naam. Naam. Yadkhul fi hada. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, ils disent même un oiseau de mauvais augure ici. Ouais, exactement. L'araignée du matin, malheur. L'araignée du soir. Aussi l'oiseau ici aussi. À la kulli hal, ça c'est ce qu'on appelle at-tiyara en arabe. Ça s'appelle le mauvais augure. C'est ce que quand quelqu'un en arabe, c'est at-tiyara ma yahmilu ala al-iqdam aw al-ihjam. At-tiyara, le mauvais augure, c'est ce qui va te pousser à faire une chose ou à arrêter de faire une chose. Dès que tu as vu quelque chose, tu crois qu'il va t'arriver du bonheur, donc tu fais. Et si tu vois une autre chose, tu crois qu'il va t'arriver du malheur, alors tu t'arrêtes. At-tiyara, on va voir ici que c'est du shirk billah, subhanahu wa ta'ala, wal-iyadu billah. C'est de l'association à Allah, azza wa jal. Pourquoi ça a été appelé tiyara? Parce que ça vient du mot at-tayr. At-tayr en arabe, c'est l'oiseau. Et ça a été appelé tiyara parce que les arabes de l'jahiliya, les arabes d'avant l'islam, al-mushrikoun, quand ils voulaient voyager quelque part, ils prenaient un tayr, ils prenaient un oiseau dans leurs mains, et ils le lâchaient. Si l'oiseau, il partait dans la bonne direction, il disait, usafir, uqdim, ala safar. Et si l'oiseau, il partait de l'autre direction, il disait, non, il va m'arriver quelque chose. Idan uhjim, atawakaf. Donc je m'arrête, je n'y vais pas. Et c'est de là que ça a été appelé At-tiyara. Ça a été appelé At-tiyara. Donc c'est pris de l'oiseau, parce qu'avant on se servait de l'oiseau pour faire ça. On se servait de l'oiseau pour faire ça, qui est appelé Tayr en arabe. Allah Azza wa Jal a dit Al-Jawab, قال الله تعالى Ala innama ta'iruhum عند الله. والمقصود بطائر هنا قدر. Ala innama qadaruhum عند الله. فلا يأتي بالخير إلا الله ولا يكتب بحكمته الشر إلا الله عز وجل فلا يتعلق الإنسان بغير الله. الله تبارك وتعالى dit dans سورة الأعراف, le sens du verset c'est que leur destin est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui peut nous arriver de bon ou de mauvais, ça ne vient que d'Allah عز وجل. عليكم السلام. Ça ne vient pas parce qu'on a vu telle chose ou parce qu'on a raté telle et telle chose. Allah Azza wa Jal dans plusieurs versets nous parle de ça dans le Coran. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Allah Azza wa Jal dit, ce qu'Allah donne aux gens comme miséricorde, personne ne peut le retenir. Et ce qu'Allah retient, personne ne peut le donner. si Allah lui ne le donne pas, subhanahu wa ta'ala. Et les versets qui nous parlent de ça, ils sont très nombreux dans le Coran. Al-ayat fi hadha al-bab kathira jiddan. Naktafi bi dhikri hadhi. On se suffit de parler de ce verset-là, mais ils sont nombreux. Donc le musulman, il doit avoir dans le qalb que tout ce qui vient, vient d'Allah, Azza wa Jal. Et que personne d'autre qu'Allah ne peut l'aider. Et que personne d'autre qu'Allah, Azza wa Jal, ne peut le protéger d'un mal. Donc, tu peux voir 5000 chats noirs, il ne t'arrivera que ce qu'Allah a écrit. Donc, toutes ces croyances-là, elles sont mauvaises. Et ces croyances-là, elles se sont propagées dans nos pays. Ma'al asaf. Malheureusement, nous aussi dans nos pays, les pays d'Afrique, les pays du Maghreb, on a des choses qui rentrent dans Tiyara. Et il y a plein de gens qui font ces choses-là, ils ne s'en rendent pas compte à cause du djahil. Et il y a aussi beaucoup ça chez les kuffars. En Europe et chez les kuffars et les nasara, eux, c'est parmi les gens les plus plongés dans ces erreurs et dans ces égarements. Tout ce qu'ils voient pour eux, ça veut dire qu'il va leur arriver un malheur. Pourquoi ? Parce que leurs cœurs, ils sont vides. Ils n'ont pas d'iman. Et celui qui a l'iman, il n'a pas de tiyara dans son qalb. Et donc, on va voir ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim, « La adwa, wa la tiyara, wa la hama, wa la safar. » Il a nié quatre choses, le prophète, alayhi salatu wa sallam. La première chose, « La adwa. » Qu'est-ce que ça veut dire, al-adwa? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la contagion. Intiqal marad min shakhs ila akhar. La contagion, la maladie qui passe d'une personne à l'autre. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, ici, il dit, la adwa. Il n'y a pas de contagion. Est-ce que ça existe, la contagion, ou pas? Oui. La takhaf. Oui. Adib. Na'am, ça existe. Donc, on doit comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire, le prophète, alayhi salatu wa sallam. Et pourquoi il a dit ça? Lui-même, il sait que ça existe, la contagion. Parce qu'il a dit dans un hadith que les gens, quand ils sont touchés, il a dit à ses compagnons, s'ils étaient touchés par la peste, ils devaient rester dans l'endroit où ils étaient. Pourquoi? Pour pas toucher les autres. Le prophète, qui sait que la contagion, elle existe, il a dit, la adwa. Il n'y a pas de contagion. Ma'na hada, annahu, la marad, yantaqilu bi nafsihi ila akhar. Wa innama, bi hikmatillah wa bi idhnillah azza wa jal. Fala adwa illa bi idhnillah. Le prophète alayhi salam ici, il veut dire, il n'y a de contagion que par la permission d'Allah. C'est-à-dire qu'une maladie ne peut se propager d'une personne à une autre que si Allah l'a écrit. Et cette maladie ne se propage pas de sa propre volonté chez quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi il nous dit ça? Pour que les gens aient le cœur accroché à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'ils fassent l'asbab, qu'ils fassent les causes pour se protéger de la maladie, mais qu'ils ne croient pas que la maladie se propage, même si Allah ne le veut pas, subhanahu wa ta'ala. Qu'ils sachent que le seul qui décide ce qui se passe, c'est Allah, azza wa jal. Donc la contagion, elle existe, mais elle n'existe que par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. قال ولا طيرة il n'y a pas de mauvais augure. ومعنى هذا أنه محرم. Et le sens de ça, c'est que c'est interdit, la croyance en la mauvaise augure, de croire que si tu vois telle chose, il va t'arriver telle chose, et si tu vois telle et telle chose, tu n'auras pas telle et telle chose. Le prophète a dit لا طيرة. الآن يربي المؤمنين و الله عز وجل يصفي به قلوب المؤمنين من الاعتقادات الفاسدة. Avec ces paroles, il éduque les croyants et il purifie leur cœur des mauvaises croyances. Il purifie leur cœur des mauvaises croyances. Et ici, il parle de choses qui existaient à l'époque de al-jahiliya. Elles existent encore aujourd'hui. مع الأسف. ولا هامة. الهامة هو هي الطير. C'est un oiseau, c'est la chouette. ولا هامة. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils voyaient une chouette, ils croyaient qu'ils allaient avoir la poisse. Ils croyaient qu'ils allaient avoir la poisse. Et peut-être que ça existe maintenant encore. Le Nabi, hein? Bouma. Voilà, le Bouma. Le Bouma, ou le Hibou. Voilà. Donc cette chose-là, elle existe encore au jour d'aujourd'hui. Quelqu'un, quand il voit un hibou voler la nuit, il croit qu'il va lui arriver un malheur. Alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé الذي خلق السماوات والأرض يفعل ما يشاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Les versets sont nombreux dans le Coran dans lesquels Allah Azza wa Jal il nous ordonne de placer en lui notre confiance et d'avoir peur que de lui Azza wa Jal. Il nous dit qu'il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne sert à rien de croire qu'il va nous arriver un malheur quand on a vu une chose comme al-hama, la chouette. Qala wala safar. Safar huwa shahr ma'ruf. Inna ahl al-jahiliya kanu yatatayyaruna bihadha al-shahr. Les gens de l'époque d'avant l'islam, quand le mois de Safar arrivait, ils croyaient que des malheurs allaient les toucher. Et le prophète, alayhi salam, il leur a dit, la safar. Il n'y a pas de safar. Vous n'avez pas à avoir cette fausse croyance. Quand le mois de safar arrive, c'est un mois comme un autre. Fa, shahid min al-hadith, wa la tiyara. Ce qu'on retient du hadith, c'est wa la tiyara. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun. Le prophète, alayhi salam, a dit, la mauvaise augure, c'est de l'association. La mauvaise augure, c'est de l'association. La mauvaise augure, c'est de l'association. Donc, il n'y a pas plus clair que ça. فما حكم الطيارة؟ الجواب شرك بالله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. عبد الله بن مسعود الجي qu'on peut tous être touchés par le tiyara. Et que la chose qui repousse le tiyara, c'est le tawakkul ala Allah, subhanahu wa ta'ala. Idhan, indana al-jawab ala al-su'al, ma hukmu tiyara, shirk. Wa ma yudhibuha, le tawakkul. On a la réponse à la question, quel est le jugement du mauvais augure? C'est de l'association. Quelle est la chose qui fait partir du cœur cette croyance? C'est de faire confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Et celui qui fait confiance en Allah azza wa jal, Allah lui suffit. Et Allah a dit alaysa Allah wikafin 'abda, Allah n'est-il pas suffisant à son serviteur? Fa idha kunta tatawakkal 'ala Allah, Allah yakfik, alaysa Allah yakfik. Si tu places ta confiance en Allah, Allah va te suffire. Et Allah n'est-il pas suffisant? Si tu as Allah azza wa jal avec toi, n'est-il pas suffisant? Et Allah Azza wa Jal, il donne à son serviteur ce qu'il lui demande. Et il protège son serviteur, subhanahu wa ta'ala. Walakin ma'al asaf, malheureusement beaucoup de gens ont le cœur dans lequel il manque l'iman billah Azza wa Jal. Alors ils tombent dans ces choses-là, dans le shirk, dans le kufr, dans ce qui met Allah en colère, subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, wa al-hadith hadha ضعفه الألباني رحمه الله والمعنى قد يكون صحيحا إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك. Ici il nous rapporte un hadith qui a été jugé faible par l'imam al-Albani رحمه الله, dans lequel il est dit que le mauvais augure, c'est ce qui te pousse à faire une chose ou ce qui t'empêche de faire une chose. Le sens il est sahih, il est vrai, mais le hadith il est jugé faible par le Sheikh al-Albani رحمه الله. وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, celui qui a été repoussé d'une chose qu'il voulait faire à cause du mauvais augure a commis de l'association. C'est-à-dire celui qui va pour faire quelque chose, ensuite il croit que parce qu'il a vu une chose ou parce qu'il lui est arrivé quelque chose, ça veut dire que ça ne va pas marcher pour lui. Ou ça veut dire qu'un mal va le toucher. Et donc il ne va plus faire ce qu'il voulait faire. Il est tombé dans At-Tayyara, il est tombé dans le shirk billah, subhanahu wa ta'ala. Qalu, ayya sahaba, fama kaffaratu dhalik. Les compagnons ont dit, et comment on efface ça au messager d'Allah, Comment on répare cette erreur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit de dire, si la personne peut être touchée par ça, de dire oh Allah, il n'y a de bien que le tien. لا يأتي بالخير إلا أنت. Ne ramène le bien que toi, Allah. Ensuite, il n'y a d'augure que le tien. Tout ce qui arrive, c'est ce que tu as décidé. C'est ce que tu as écrit, ce que tu as décrété. Et la personne, quand elle se rappelle de ça, tout de suite, elle va éliminer de son cœur la tiyara. Yudhibu tiyara. Wa la ilaha ghayruk. Et personne d'autre que toi ne mérite l'ibada, l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Et cette invocation, elle est importante. Elle est si bien de l'apprendre. Allahumma la khayra illa khayruk. Wa la tayra illa tayruk. Wa la ilaha ghayruk. Wa la ilaha ghayruk. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha al-hadith dha'afahu al-albani rahimahullah. Asdaquha al-fa'al. Ay asdaqu al-tiyara al-fa'al. Wa la taruddu muslima. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Donc ensuite il nous cite un hadith qui a été rapporté, mais il a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah. Al-ahadith, les hadiths, ce n'est pas comme les versets. Le Coran entier, il est thabit sahih, kitab Allah azza wa jalla. Amma al-hadith, faqad takunu sahiha wa qad la takunu kadhalik. Quant aux hadith, des fois ils sont authentiques, le prophète les a bien dit, et des fois ils ne sont pas authentiques. Et ça, c'est déterminé par les savants avec la science qu'on appelle ilm al-hadith, la science du hadith. C'est une science qui sert cette science, elle sert à connaître les hadiths que le prophète a bien dit et ceux qui n'ont pas été dit par le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc c'est pour ça que des fois vous nous entendez dire ce hadith il est sahih et celui-là il ne l'est pas, il a été jugé faible par les savants. Et aussi vous nous entendez dire ce hadith il a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimallah. L'imam al-Albani, cet imam, c'est le plus grand savant fi ilm al-hadith fi hadha al-zaman, de cette époque. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de lui. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de lui. Donc dans ce hadith, il est dit que la meilleure augure, c'est ce qu'on appelle en arabe, al-fa'al, al-tafa'ul. C'est ce qu'on appelle l'optimisme. Al-fa'al hada mamdouh fi shara, wa laysa bi madmoum, wa laysa bi tiyara. Ce qu'on appelle al-fa'al, al-tafa'ul, l'optimisme, c'est une bonne chose dans la religion, contrairement aux mauvaises augures. Qu'est-ce que c'est l'optimisme? L'optimisme, c'est que, par exemple, toi, tu veux faire quelque chose. Tu veux faire quelque chose, donc tu es décidé déjà pour aller faire une chose, et après, il se passe quelque chose qui va t'encourager encore plus à le faire. Un exemple. Tu veux te marier avec une femme. Tu veux te marier avec une femme. Et quand tu demandes le nom de cette femme, donc toi tu es décidé, tu vas demander la main de cette femme. Et quand tu demandes le nom de cette femme, masmuha fa'ida bismiha saliha fatatafa'al. Et tu vois que son nom c'est saliha. C'est saliha qui veut dire en arabe pieuse. Alors tu as de l'optimisme. Tu dis inshallah satakun saliha. Fa tu yani yushajji'uka hadha ala al-iqdam. Et cette chose là elle t'encourage à faire cette chose que tu devais déjà faire. Donc ce n'est pas pour ça que tu vas faire. Tu allais déjà le faire. Et ça t'a encouragé. Un autre exemple. Tu vas voyager, donc tu vas prendre l'avion. فَإِذَا رَكِبْتَ الطَّائِرَةَ إِذَا بِسْمِ مَنْ يَسْتَقْبِلُكَ سَعِيدٌ فَتَتَفَأَلْ سَوْفَ يَكُونُ هَذَا السَّفَرُ سَعِيدًا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Tu viens pour monter dans l'avion. Tu pars en voyage, tu vas faire un long voyage. Et voici que celui qui t'accueille dans l'avion, il s'appelle Saïd, qui veut dire heureux. Tu te dis, Inch'Allah, je vais faire un voyage heureux. Tu espères d'Allah, Azza wa Jal. Donc toi, tu allais déjà faire le voyage. Tu allais déjà faire le voyage. Et cette chose-là, elle t'a encouragé. Ce qu'on appelle en arabe, al-fa'l. Le Nabi, alayhi salam, qala, yu'jibuni al-fa'l. Le prophète, alayhi salam, il dit, l'optimisme me plaît. J'aime l'optimisme. C'est une forme d'espérance. Naam. Exactement. Naam. T'espères en Allah, Azza wa Jal. Attends, Ahmed. En fait, c'est du hasard. Hein? C'est du hasard. Là, le hasard, il n'existe pas. C'est une forme de course, quoi. C'est une course. Le hasard, il n'existe pas. Kullu shay muqaddar, ya Muhammad. T'es là dans les durus sur le qadr. Mm. Non. J'avais compris comme ça. Là, t'as bien écouté le qadr. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Mais c'est Inch'Allah khayr. Ouais. Exactement. C'est de l'optimisme. Tu vois une bonne chose, c'est Inch'Allah khayr. Mathalan, tu vas voir quelqu'un et tu vas lui demander une information. Et cette personne, il s'appelle Sadiq. C'est pas pour moi qu'elle se dit ça, hein. Cette personne s'appelle Sadiq, si j'ai pas trouvé autre chose. Tu dis, Inch'Allah, anta tasduq al-qawl. Et tu dis, Inch'Allah, toi, tu vas me dire la vérité, parce que sidq, c'est de dire la vérité. Ce qu'on appelle le fa'l. Le fa'l. Attends, on va finir d'abord de lire ça. Wala taruddu muslima. Le fa'l ne repousse pas un musulman de faire ce qu'il voulait faire. Est-ce que le fa'l, c'est le contraire de taïr? La taïra, on a dit, c'est ce qui va te arrêter de faire la chose. Le fa'l, c'est que tu vas faire une chose et elle te rajoute du courage pour la faire. En fait, c'est, en parlant de ça, j'ai rappelé qu'au bled, on utilise ce terme pour... C'est quand tu fais une transaction avec quelqu'un, tu lui payes, par exemple, tu lui achètes une voiture, il te remet un peu de, c'est-à-dire, il te rend un peu de cet argent. Que le monde a fait, il le paye. Ça, on le fait beaucoup au bled, on ne fait pas le seul. Tu m'achètes, c'est-à-dire une voiture, voilà, c'est ça. Toi, il prie, Inch'Allah. Allahu alayhi. Hada huwa hukm al-tayyara. Al-tayyara tu shirk, yudhibuha al-tawakkul. Si la semaine prochaine je vous dis qu'est-ce que Tayara fait l'islam, tu me dis shirk. Qu'est-ce qui fait partir Tayara? Tawakkul ala Allah. Placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. As-su'al as-sabi' as-sadis wa thamanoun ba'd al-mi'a. Question 186. Ma hukmul ayn? Quel est le statut de ce qu'on appelle al-ayn? Le mauvais œil. On entend tous parler de ça. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? Et qu'est-ce que l'islam dit du mauvais œil? Le mauvais œil, c'est haqiqa ou pas? C'est tous convaincus. Il y a une khutba sur ça, vous en rappelez ou pas? Al-ayn haqq, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le mauvais œil est une réalité, c'est une vérité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que c'est le mauvais œil exactement? Huwa an-nazar ila shay bi istihsan bidun dhikri ismillah azza wa jal yakun bi hasad aw yakun bi ghayri hasad. Le mauvais œil, c'est le fait de regarder une chose qui nous plaît, le fait de regarder une chose qui nous plaît, qu'on aime, sans prononcer le nom d'Allah azza wa jal. Ça peut être par jalousie et ça peut être sans, pas forcément par jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tout appris. Il nous a tout enseigné. Il nous a appris même ce qu'on doit dire quand on voit quelque chose qu'on aime et quand on voit quelque chose qui nous plaît. Et tout ça, c'est pour nous montrer qu'on a besoin d'Allah azza wa jal et que le seul qui préserve, c'est Allah azza wa jal. Donc il nous dit, lorsque vous voyez quelque chose que vous aimez, qulu, dans le sens du hadith, amarana bitabrik, wa tabrik an taqul barakallahu fihi, barakallahu fi hadha, barakallahu, tu demandes, tatlub al baraka min Allah li hadha shay, tu demandes à Allah de mettre al-baraka, al-khayr, le bien dans cette chose que tu as vue. Et c'est une manière de protéger. C'est une manière de protéger. Donc tu vois un bébé qui est beau, tu dis barakallah. Al-mu'min da'iman idha ra'a ma ya'jibuhu yaqulu barakallah fi hadha. À chaque fois que le croyant voit une chose qu'il aime et qui lui plaît, il se doit de dire directement Allahumma barik, oh Allah, mets-y la bénédiction, mets la baraka. Et ça, avec ça, ça va le protéger. Al-jawab qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit al-aynu haqq, le mauvais œil est une réalité. Donc personne ne peut le nier, le mauvais œil, il existe. ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها أي اطلبوا لها الرقية فإن بها نظرة أصيبت بالنظر أصيبت بالعين. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a vu sur une jeune fille, il a vu sur une jeune fille que la couleur de sa peau, elle avait changé. Le teint altéré, la couleur de sa peau, elle a changé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de lui faire la ruqya. Et ici, qu'est-ce qu'on apprend maintenant là? On apprend que min ilaj al-ayn ar-ruqyatu shar'iyya. On apprend que parmi les choses avec lesquelles Allah nous guérit de l'ayn, le fait de faire ruqya. Et on vient juste de parler de ruqya la semaine dernière. Donc le prophète alayhi wasallam, il a vu de cette fille que sa couleur, elle a changé. Il a dit aux compagnons de lui faire ruqya parce qu'elle a été touchée par l'œil. Et on apprend quelque chose dans ce hadith. نتعلم ونستفيد من هذا الحديث أن العين له علامات. On apprend que le mauvais œil a des signes. Parce qu'ici le prophète alayhi wasallam, il a vu la couleur de la peau de cette fille changer. Il a su que c'était un signe du mauvais œil. Il a dit aux compagnons de lui faire la ruqya. فقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. عائشة رضي الله عنها a dit, et tout ça c'est rapporté par al-Bukhari, elle a dit le prophète صلى الله عليه وسلم m'a donné l'ordre, ou bien on a donné l'ordre au prophète صلى الله عليه وسلم de faire la ruqya contre le mauvais œil. Donc un des remèdes les plus efficaces contre le mauvais œil, après que la personne soit touchée, c'est la ruqya. Et les moyens de se protéger de l'ayn, ils sont de deux sortes. Qabli wa ba'di. Al-ilaj yakunu amman yakun wiqaya ou ba'd al-isaba al-ilaj. Il y a deux moyens d'enlever ça. Premièrement, c'est la prévention. Le fait de se protéger avant d'être touché. Comment? Bil adhkar. Avec les invocations du matin, du soir, d'avant de dormir, après les salawat, tout ce que vous voyez dans les petits livres de dua, comme Hisn al-Muslim, al-Adhkar al-Sahiha, les invocations qui ont été rapportées du prophète, alayhi salatu wasalam, toutes ces choses-là, salawat fil waqt, qira'at al-Qur'an, al-Dua, la lecture du Qur'an, la prière à l'heure, toutes ces choses-là sont des moyens pour être protégé du mauvais œil. Et aussi, de dire tout le temps Allahumma barik fi, Allahumma barik fi, quand tu vois quelque chose. Et aussi pour ceux qui ont des enfants, de leur dire tout le temps U'iduka bi kalimati Allahi tammat min kulli shaytanin wa hammah wa min kulli 'aynin lammah. Je te place sous la protection d'Allah par ses paroles parfaites contre tout démon ou insecte venimeux et contre tout mauvais œil. Et le prophète, il faisait cette invocation à Al-Hassan et Al-Hussein, les deux petits-fils, les deux enfants de Ali, et il disait Hakadha kana Ibrahim yu'awwidhu Ibrahim wa Ishaq. Il disait c'est comme ça qu'Ibrahim plaçait ses deux enfants, Ismaïl et Ishaq, sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la personne est touchée, après il y a Ar-Ruqya. Il y a Ar-Ruqya, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une autre chose. C'est que des fois, quand la personne elle est touchée par l'ayn, des fois, c'est pas qu'elle, on dit pas qu'elle sait c'est qui, mais elle a des doutes. Par exemple, elle sait qu'elle était dans une assise et elle sait que quelqu'un l'a regardée et quelqu'un a été étonné par la beauté de la personne ou par la beauté de son enfant. Et depuis qu'elle cette personne a dit qu'est-ce qu'il est beau ton fils par exemple, et ben le fils il est malade, il a un problème dans la peau, ses cheveux ils tombent, et ben là il a peut-être un indice qui fait que la personne elle l'a touché par l'œil, et peut-être elle a fait ça sans faire exprès. Donc là le prophète alayhi salam il nous a donné l'ilaj, nous a donné aussi un moyen. C'est quoi? C'est de demander à cette personne de faire l'eau, de faire les ablutions dans un pot, et l'eau qui va rester, de se laver avec. Et si on trouve la personne qui a fait l'ain, qui a touché par le mauvais œil, et qu'on lui demande de faire les ablutions, et qu'ensuite on prend son eau et on la passe sur le corps de la personne, bi'idhnillahi ta'ala, le mauvais œil il part directement par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les moyens d'enlever l'ain. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. Ici le prophète عليه الصلاة والسلام il dit il n'y a de رقية que pour le mauvais œil ou pour الحمى. الحمى كل ما يلدغ, toute chose qui te pique ou qui te, comme les scorpions, les serpents, etc. Toute chose qui te pique et qui te met du poison ou du venin. Le prophète alayhi wasallam il dit il n'y a de ruqya que pour l'ain ou pour les piqûres. Et nous on vient d'apprendre qu'on peut faire ruqya pour le sihr, qu'on peut faire ruqya pour autre chose encore. Comment ça se fait qu'ici le prophète il a dit la ruqya illa min ain aw huma? Ça, j'ai fini. Tu voulais répondre? Ouais, c'était pour dire. Ouais, pour manger. C'est pour dire que c'était ça, le meilleur remède, c'était ça. Non, exactement. La ruqyata anfa' illa min 'ayn aw huma. C'est pour dire que c'est pas pour dire que le meilleur remède contre l'ayn, c'est ça, mais c'est pour dire que la meilleure ruqya, c'est celle qu'on fait pour l'ayn. Donc il n'y a de la meilleure ruqya, c'est celle qu'on fait pour l'ayn ou pour les bêtes venimeuses. Donc ici on a appris aussi quelque chose. Quelqu'un qui se fait piquer par un scorpion, par un serpent, par une bête venimeuse, yarqi nafsa. Il se fait ruqya. Il yaqra al-Qur'an ala nafsihi. Il se lit le Qur'an sur lui. Wa kulluha fi sahih. Wa fiha hadithu ghayru ma dhakarna kathir. Tous les hadiths récités ici sont rapportés par al-Bukhari. Et il y a aussi d'autres hadiths. Wa la ta'thira laha illa bi idhnillah. C'est-à-dire que le mauvais œil n'a d'effet que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Al-ayn la tusibu ahadan illa bi-idhnillah. Le mauvais œil n'atteint une personne que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad fussira biha qawluhu Azza wa Jal wa in yakadu alladhina kafaru layuzliqunaka bi-absarihim lamma sami'u al-dhikr عن كثير من السلف رضي الله عنهم. Et beaucoup de pieux prédécesseurs ont expliqué ce verset par Al-Ain. Et ce verset, Allah nous dit dedans dans la traduction du verset, peu s'en faut que les mécréants ne te transpercent avec leur regard lorsqu'ils entendent leur appel. Allah Azza wa Jal, il dit au prophète alayhi salatu wa salam que les kuffars de Quraysh, quand ils entendent le Coran, il regarde le prophète alayhi salatu wassalam tellement mal que peu s'en faut qu'il le transperce avec leur regard, qu'il le touche par le mauvais œil. Taïb. Donc on vient de parler ici de al-ayn, du mauvais œil. Et maintenant on a fini les questions qui sont collés comme le sihr, la voyance, l'astrologie, la ruqya, al-tiyara, al-ayn, toutes ces questions qui sont tous proches, qui vont tous avec, on les a terminées et on va passer à une autre chose. Est-ce que ça peut être, si on n'est pas en vue, mais comme par haine, on va dire. Comme là, quand tu as dit, quand on est créé, même si on n'est pas en vue de quelque chose qu'il a, mais par haine, ça peut être. Ils sont envieux de ce qu'il a, le prophète Ali Sassan. C'est forcément qu'il y en a envieux. On a dit que c'est pas forcément qu'il y en a envieux. C'est quelque chose qui te plaît chez la personne. Non. Tu regardes quelque chose qui te plaît et tu touches la personne. Peut-être t'es parce que tu es jalouse, et peut-être parce que tu n'es pas, peut-être tu n'es pas jalouse, mais tu touches la personne parce que tu n'es pas protégé de ça. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà, l'Aziz. On entend souvent là, des hommes qui disent qu'il y a un exemple aujourd'hui de je toucher le bois. هذه الطيارة. Ceux qui disent je touche le bois pour pas qu'il m'arrive, ou ceux qui disent je croise le doigt, هذه الطيارة. Ça c'est le mauvais occupe. Il faut dire ثبت لك ونقوم لازم تبارك الله مش ولا الله يبارك مش ما شاء الله. على كل حال هذا هو اللي حبيت نعرف. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام dans le hadith النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتبريد. Il nous a demandé, lorsqu'on voit une chose qu'on aime ou qui nous plaît, de faire at-tabrik. At-tabrik huwa talabul baraka min Allah. C'est le fait de demander à Allah la baraka en disant Allahumma barik fi ou barak Allahu fi. Ma huwa tabarak Allah. Allahumma barik ou barak Allahu fi. Et après, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, quand il a expliqué un verset de sourate Al-Kahf, est-ce qu'il peut me le rappeler, le verset? Allah Azza wa Jalla, il parle de celui qui avait un beau jardin. Et il a été émerveillé par son jardin. Et il n'a pas fait de dua pour qu'Allah le préserve. Allah, il lui a détruit. Il lui a effacé tout son jardin. Après, celui qui était avec lui, il lui a dit وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Si seulement quand tu es entré dans ton jardin, tu avais dit مَا شَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Voici ce qu'Allah a voulu, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ya'khudh hadhihi al-aya wa yaqul fa yajuz an taqul ma sha'a Allah la quwwata illa billah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit qu'on peut dire ça aussi. Fa najma' bayna at-tabrik wa hadha. التطير شرك أصغر. Le mauvais augure, c'est de la mécréance, de l'association mineure. Pourquoi? Parce que il croit que c'est à cause de ça qu'il va lui arriver. Et tant qu'il croit que c'est une cause, eh ben il a fait du shirk asrar. S'il croit que c'est cette chose là qui va lui toucher d'un malheur, الآن وقع في الأكبر. Compris? طيب. On va passer à la question suivante, Inch'Allah. Al-Su'al al-Sabi'u wa thamanun ba'd al-mi'a, la question 187. Qal, ila kam qismin tanqasimu al-ma'asi. Maintenant, on va parler des péchés. On va parler des péchés. Et la question ici, c'est en combien de catégories se divisent les péchés. Et nous, maintenant, on est en train de lire un livre de Aqidah. Et ici, il nous parle des péchés. C'est quoi le lien qu'il y a? C'est que al-dhunub, les péchés, celui qui fait des péchés, il risque al-adhab. Wal-adhab huwa ma yahsulu fil akhirah. Fa huwa muta'alliq bi umur al-ghayb. Wa dakhil fi masail al-aqidah. Ça rentre dans les questions de l'aqidah, parce que on va voir que la différence entre les péchés, et que la personne qui tombe dans tel ou tel péché, il peut lui arriver telle ou telle chose après le mort, alaykum salam. Et donc ces choses-là, c'est ce qu'on appelle, ça rentre dans la croyance. Al-Jawab, qu'est-ce qui a la réponse d'abord? D'accord. En combien de catégories se divisent les péchés? En deux catégories. C'est vrai. Quelles sont-elles? Les petits péchés et les grands péchés. Il vaut mieux dire les péchés majeurs et mineurs. Parce que quand on dit les petits péchés, aucun péché n'est petit. Les péchés majeurs et les péchés mineurs. Comprenez bien. Quand on dit les péchés mineurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont petits. Mais c'est pour dire que les majeurs, ils sont encore plus graves. Tous les péchés, ils sont graves. C'est pour ça qu'un des plus prédécesseurs, il a dit, la tanzur ila sirari al-ithm, walakin anzur ila man asaita. Il a dit, ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la réponse à cette question, al-jawab tanqasimu ila sagha'ir hiya sayyi'at wa kaba'ir hiya al-mubiqat. La réponse à cette question, les péchés se divisent en deux. Les péchés mineurs, qu'on appelle en arabe sayyi'at, et les péchés majeurs, qu'on appelle en arabe al-mubiqat, c'est-à-dire les destructeurs. Al-mubiqat, al-murdiyat, al-mudammirat, les péchés destructeurs. Donc, on voit qu'il y a que les péchés, ils se divisent en deux. C'est-à-dire que dans leur gravité, ils se divisent en deux. Il y a des péchés qu'on appelle sayyi'at, qui sont les péchés mineurs, et il y en a d'autres qui sont encore pires dans la gravité et qui sont destructeurs. On les appelle al-mubiqat. Et ces mots-là, ils viennent du Coran et de la Sunna. Il ne les a pas rapportés de lui-même. Al-Sheikh al-Hafid, Hafid al-Hakim rahimahullah, n'a pas ramené ces mots de lui-même. Il les a ramenés du Coran et de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ijtanibu sab'a al-mubiqat » Le prophète alayhi wa sallam dit « Éloignez-vous des sept péchés destructeurs » Et ensuite il les a cités « Ashirku billah wa sihr » et d'autres péchés encore. Et sayyi'at aussi, c'est venu dans le Coran et dans la Sunna, on va le voir tout de suite après, inshallah. Donc ici, on comprend que les péchés, ils se divisent en deux. Les péchés mineurs et les péchés majeurs. Taïb. Moi, je vais vous poser une question. Dans les cours qu'on a vu avant, ou qu'on a eu avant, on a vu que, al-kufr, wa shirk, wa dhulm, wa al-fisq, la mécréance, l'association, l'injustice, la perversité, ou al-nifaq, l'hypocrisie, toutes ces choses-là, elles se divisent en deux, akbar et asrar. Et on a vu que l'akbar de toutes ces choses-là, de l'hypocrisie, de la perversité, du kofr, du shirk et de la perversité, de toutes ces choses-là qu'on a vues à la kulli hal, c'est de la mécréance majeure. Et les péchés ici, ils se divisent en deux, akbar dhan kabir wa dhanbun asrar. On a vu que les péchés ici se divisent en deux, les péchés majeurs et les péchés mineurs. Fahal ma'na hadha anna kaba'ir adh-dhunub kufrun billah azza wa jalla. Est-ce que les grands péchés sont de la mécréance? Kama anna an-nifaq yanqasimu ila akbar wa asghar, adh-dhulm akbar wa asghar, al-fisq akbar wa asghar. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a vu avant ou pas? Je pense que non. J'en ai sûr ou pas? Barakallah. Et toi, Abdelhamid? On ne sort pas de l'islam. Quand on dit grand péché, ça ne veut pas dire que c'est du kufr directement. Est-ce que parmi les grands péchés, il y a des péchés qui sont de la mécréance? Bila adna shak. Sans le moindre doute. Fashirku min al-kaba'ir. Wa sihru min al-kaba'ir. Wa hiya min al-kufri billah. La sorcellerie, la mécréance, l'association sont des grands péchés et ils sont des péchés qui font sortir de l'islam, ils sont de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux me dire quelque chose? Maintenant, on va passer à la question suivante. As-su'al al-thamin wa thamanun ba'd al-mi'a, la question 188. Bimada tukaffaru as-sayyi'at? Mada yaqsidu bis-sayyi'at as-sagha'ir? Donc la question 188, comment on efface les péchés mineurs? Lorsque quelqu'un fait un péché mineur, comment on l'efface? On est en train de lire un livre là, je suis pas en train de vous poser une question. Je vais lire la réponse. La question 188, c'est comment on efface les péchés mineurs? La réponse. Quelqu'un a la réponse? Vous voulez donner la réponse? Mohamed. Fadal, rapide. En faisant les ablutions dans la mosquée. En faisant sadaqa. Tawba, ça efface tout. En faisant des bonnes actions. Voilà. Mais vous allez voir autre chose. الجواب قال الله تعالى الله جي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله عز وجل جي dans un verset. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens du verset, « Si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, qui est le paradis. » Donc, Allah Azza wa Jal, « Binnassi hadhi l'ayah, qassama dhunub ila al-kaba'ir, kaba'ir ma yanha Allahu anhu, idhan, ila kan al-kaba'ir hunak al-sara'ir. » Allah a divisé les péchés en deux, en disant, si vous délaissez, si vous évitez les péchés majeurs, donc c'est Allah qui a dit qu'il y a des péchés majeurs qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits. Les méfaits sont les péchés mineurs. Celui qui abandonne les péchés majeurs, Allah lui pardonne les péchés mineurs et le fait entrer au paradis, inshallah. Allez comme ça. Wa qala ta'ala, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Et donc ici, il y a la réponse que le frère l'a dit, qui est que, donc c'est Allah qui le dit dans Surat Hud, le sens du verset, les bonnes actions font partir les méfaits, font partir les péchés. Les bonnes actions dissipent les mauvaises, elles effacent les mauvaises. فَأَخْبَرَنَا تَعَالَى أَنَّ السَّيِّئَاتِ تُكَفَّرُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَبِفِعْلِ الْحَسَنَاتِ وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Il dit qu'Allah nous a informé que les péchés mineurs, Allah nous les efface quand on délaisse les péchés majeurs et qu'on fait des bonnes actions. Et comme le prophète a dit dans le hadith de Abu Dharr qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète alayhi sallam lui dit اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ, crains Allah où que tu sois et à n'importe quel moment. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, et fait suivre le péché d'une bonne action, il va l'effacer, elle va l'effacer. وَخَلِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, et comporte-toi bien avec les gens. Dans ce hadith, le prophète عليه السلام, nous dit que quand on fait un péché, on doit le suivre d'une bonne action qui va l'effacer. وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصوم عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارة للسيئات والخطايا وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر وعليه يحمل المطلق منها فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. Ensuite, il nous dit que beaucoup de hadiths nous ont été rapportés dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des informations concernant des bonnes actions qui dissipent des mauvaises, qui effacent les mauvaises. Il nous dit par exemple que le fait de faire l'wudu, les ablutions correctement malgré la difficulté, comme par exemple quelqu'un qui fait les ablutions dans le froid, malgré la difficulté, il fait l'eau correctement, il ne gaspille pas l'eau, etc. Ou le fait de faire les pas pour aller à la mosquée, ou bien encore l'accomplissement des cinq prières, ou le fait d'assister à la prière de Jumu'ah et à la prière du Jumu'ah suivant, le fait de jeûner le mois de Ramadan, le fait de prier les nuits de Ramadan, Tarawih, ou la nuit de Laylatul Qadr du destin, le fait de jeûner le jour de Ashura, aussi le jour de Arafat, et bien d'autres choses encore, parmi les bonnes actions, toutes ces choses-là sont des actes qui effacent les péchés et les méfaits et les mauvaises actions. Alaykoum salam. Ensuite, il nous donne une information importante. Il nous dit, et que dans ces hadiths-là, souvent il y a une condition qui est citée. Cette condition, c'est qu'on délaisse les grands péchés. Ramadan ila Ramadan, wal umra ila al umra, kafaratun lima baynahun, idha jtunibat il kaba'ir. Wa hadha shart. Donc c'est une condition que le prophète a.s.w. a citée, qui est à condition que les grands péchés soient délaissés. Et c'est pour ça que certains savants ont dit, al-a'mal salihah, tu kafiru صغائر الذنوب بشرط أن يترك الإنسان الكبائر. Ils ont dit que les bonnes actions effacent les petits péchés, les péchés mineurs, à condition que la personne délaisse les péchés majeurs. C'est pour ça qu'Allah a dit إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ إِذَا تَرَكْتُمُ الْكَبَائِرَ يَغْفِرْ لَكُمُ اللَّهُ الصَّغَائِرَ. Donc Allah dit dans le verset, si vous abandonnez les péchés majeurs, si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont interdits, Allah vous effacera vos méfaits. Et ça, c'est un des deux avis, parce que il y a deux avis dans cette question. Le premier avis, c'est concernant l'a'mal al-saliha. هل يشترط ترك واجتناب الكبائر حتى تكفر السيئات أم لا؟ Est-ce que pour effacer les péchés, il faut juste faire des actions? Pardon, est-ce que pour effacer les péchés, quand on fait des bonnes actions pour effacer les péchés, il faut absolument délaisser les grands péchés ou non? L'avis du Cheikh ici, rahimahullah, c'est que pour se faire pardonner des péchés mineurs, on doit délaisser les péchés majeurs. Et l'avis d'autres savants, c'est que madama anna al-insan ya'malu hadhihi al-a'mal fa innaha tukaffiru صغائر الذنوب ويبقى عليها كبائر الذنوب عليه كبائر الذنوب. Ils disent que ce n'est pas une condition et que tant que la personne fait des bonnes actions, ces bonnes actions effaceront ses péchés mineurs, et que ce n'est pas une condition qui délaisse les grands péchés. Donc il aura ses péchés mineurs effacés, mais il aura ses péchés majeurs qui ne seront pas effacés. وهناك حسنة واحدة تكفر جميع الذنوب. ما هي؟ نعم. Et ici, il y a une hasana, une bonne action qui efface tous les péchés, qui est التوبة, le repentir. التوبة تكفر جميع الذنوب. Le péché, le repentir efface tous les péchés. Tous les péchés. طيب. نقف هنا إن شاء الله. نعم. Ça, c'est la question d'après. Inch'Allah. Vous avez une question sur ça ou pas? J'ai une question sur comment on peut savoir si on est touché par le mauvais œil? Comment on peut savoir si on est touché par le mauvais œil? Il y a plusieurs signes. Et il n'y a pas de limite dans les signes. Parce que le mauvais œil, il fait plusieurs choses. Mais il y a des signes qui montrent que la personne, elle peut être touchée par le mauvais œil. لكن لا نفتح باب الوساوس. On n'est pas en train d'ouvrir la porte des wasawis. Dès que tu entends ça, tu rentres chez toi et ça, tu crois que tu es touché par le mauvais œil. Là, le mauvais œil, il a des alamat, il a des signes. Parmi les signes, c'est que la personne, par exemple, comme cette fille que le prophète a vue, la couleur de sa peau, elle a changé d'un coup. Donc avec ce hadith là, on sait que c'est un signe de mauvais œil. La personne, sa couleur de sa peau, elle change d'un coup. Aussi, parmi les signes, des fois, une maladie qui arrive du jour au lendemain, sans cause. Ça ne veut pas dire tout le temps que c'est sûr que c'est du mauvais œil. Lakin min alamat, qad takun wa qad la takun. C'est des signes. Ça peut être le mauvais œil, ça peut être autre chose. Mais des fois, ce sont des signes qui montrent le mauvais œil. Aussi, que la personne, elle est touchée dans sa peau, dans sa santé. Elle est touchée aussi dans sa manière de pratiquer la religion. Au début, elle était sérieuse, elle était assidue, elle était correcte, elle était tout le temps là. Et tellement que les gens la voyaient tout le temps, et sans jamais dire Barakallah, hada da'iman ya'ti, sans demander la baraka d'Allah pour cette personne qui vient tout le temps, on voit que la personne, elle commence à plus venir, elle commence à changer, etc. Aussi, des fois, ça peut être à cause ça peut être des douleurs à certains endroits, comme des douleurs à la nuque, des maux de tête tout le temps, ou bien la fièvre tout le temps comme ça pour rien, qui vient, qui repart. La personne, elle va voir les médecins, elle fait des recherches, et les médecins lui disent qu'on n'a rien. Et ça, c'est arrivé beaucoup de fois. Des gens qui avaient des signes comme ça, ils ont tout fait, sauf l'istishfa bil Qur'an. Hala yadullu ala jahlina wa naqsina fil iman. Ce qui montre notre ignorance et notre baisse de foi, parce que quand on est touché par une maladie, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on cherche les médicaments, on va voir les médecins, on fait des radios. Aïn al-Qur'an. Waqad ja'alahu Allahu shifa. Allah Azza wa Jalla dit dans le Qur'an. Wa anzal le verset où Allah dit que le Qur'an shifa. Le verset, personne le connaît ce verset. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Et nous faisons descendre ce Qur'an, du Qur'an, ce qui est une guérison et une rahmah, miséricorde pour les croyants. Wa an-nabi alayhi salatu wa salam kana yalqi nafsahu wa yalqi ashabahu. Wa Aisha kanat talqi an-nabi alayhi salatu wa salam. Le prophète, il faisait ruqya quand il était malade, et les sahaba, ils se récitaient le Qur'an. Et donc, malheureusement, la première chose que les gens y font, quand ils sont malades, c'est quoi? Ils vont chez le médecin, ils vont faire des radios, ils cherchent des médicaments, et ils ont oublié le Coran. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il a expliqué la parole d'Allah, surat al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi takhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Et le messager a dit, oh mon Seigneur, mon peuple a abandonné le Coran. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, hujran al-Qur'an anwa'. Il a dit, parmi les sortes de l'abandon du Coran, c'est l'abandon de se soigner avec. Et ce même imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit dans un de ses livres qu'il était en voyage. Alaykoum salam. Il dit dans un de ses livres qu'il était en voyage et qu'il était malade. Il dit, il n'y avait pas de médecin. Personne n'était là pour le soigner. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau. Et il a récité surat al-Fatiha. Et il a bu cette eau. Et ça, هذا يعني جائز هذا الفعل. Tu as le droit de réciter le Coran sur de l'eau. Il a récité le Coran. Il a dit, j'ai récité surat. Huwa yahki an nafsi. Il raconte de lui-même. Il dit, j'ai récité surat al-Fatiha dans l'eau. Et je l'ai bu. Il dit, faraitu al-athar al-baligh. Et il dit, j'ai vu un immense résultat. Allah Azza wa Jalla, il lui a enlevé son marad. Ala kulli hal, l'ain, il a beaucoup de signes. Et après, ça va se voir avec la ruqya. Et l'hijama, c'est sunna ou? Non, l'hijama, min sunnat al-Nabi, alayhi salatu wa sallam. Là, l'hijama, sunna. L'hijama, fi tib al-nabawi. L'hijama, qui consiste à faire sortir du sang de la peau en faisant des ouvertures et en aspirant le sang dans le dos, dans la tête et dans certains endroits du corps. Ça fait partie de la médecine du prophète, alayhi salatu wa sallam. On peut mourir de l'œil. Non, on peut mourir de l'œil. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a dit une chose qui va t'étonner. Aktharu man yamutu min ummati bil anfus. Au ma'na l'anfus bil ayn. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a dit, la majorité des gens de ma communauté qui meurent à cause du mauvais œil. Et le hadith, il est sahih. Tu veux une autre chose encore? Nabi alayhi salam, il a dit al-aynu haqq. Le mauvais œil est une réalité. Il a dit yudkhilu al-jamal al-qidr wal-insan al-qabr. Il dit le mauvais œil est une réalité. Il fait rentrer un chameau dans une marmite. Ça veut pas dire que le chameau rentre dans la marmite, alaykoum salam. Mais ça veut dire que le chameau, il est touché par le mauvais œil. Il devient malade. Celui qui est le propriétaire du chameau, il se dit, il faut que je l'égorge avant qu'il meure, sinon je vais le perdre. Alors il l'égorge, il le fait cuire dans la marmite. À cause de quoi il est arrivé dans la marmite? À cause du mauvais œil, quelqu'un l'a regardé. Fal'ayn yusib al-hayawanat. Le mauvais œil, il touche les animaux. Et il dit, il fait rentrer un chameau dans la marmite, et il fait rentrer un homme dans une tombe. Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, dans le sens du hadith, al-ayn haq tastanzilu al-haliq. Al-haliq huwa qimmat al-jabal al-ali. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, le mauvais œil est une réalité, il fait tomber le sommet de la montagne. Fal-ayn tusibu al-jamadat. Le mauvais œil, il touche aussi les choses solides, les montagnes, les arbres, etc. Il touche les voitures, il touche les bâtiments. Et si je vous raconte des histoires de mauvais œil, vous allez être étonné. Ala kulli hal, le mauvais œil, c'est une chose qui existe, et on vient de voir comment on s'en protège.